t'en m'appelles maman, mamie ou mémé. Pour d'autres je ne suis qu'une vieille. Et je me rappelle d'antan, quand mes enfants m'aimaient, mais leur amour est en veille. Mes seuls moments de joie, c'est quand mon défunt mari me rejoint dans mon sommeil. Et à chaque fois cela, cela me donne envie du repos éternel. Car mon mari nous a quittés sans que je puisse lui dire je t'aime. De cela elle s'est invitée, la solitude même. Les seules fleurs que l'on va me donner seront sûrement des chrysanthèmes. Oui, je me sens abandonné, le visage blême. À raconter ces anecdotes oubliées de tous vos livres d'histoire. Certaines seront vraies, nous serons inventées afin de créer l'espoir. Oui, j'ai vilipendé, menti, promis, juré, mais ça c'est une autre histoire. Je me sens délaissé, rejeté, mis de côté quand arrive le soir. Je n'ai plus personne à qui parler. Les visiteurs se sont rarifiés. Ma seule compagne, c'est la télé et l'horloge qui tourne. Je n'ai plus la force de me lever. Je me demande à quoi bon continuer.